Chapitre 17e. Départ de Cincinnati. Société à bord du bâtiment à vapeur. Arrivée à Wheeling. Bel-Esprit. Nous quittâmes Cincinnati au commencement de mars 1830, et je crois qu'il n'y eut personne parmi nous qui n'éprouvât un sentiment de plaisir. Nous avions vu et revu tout ce que cette ville renferme. Nous nous étions amusés de son importance, de son goût et de son ton, jusqu'à ce que toutes ces choses eussent cessé d'être amusantes. Nous avions escaladé toutes ces montagnes, nous avions parcouru toutes ces forêts, et à l'exception de deux ou trois personnes possédant des têtes et des cœurs qui ne sont particuliers à aucun pays, mais qu'on trouve répandus ça et là dans le monde, comme pour nous réconcilier avec lui, nous ne regrettâmes de Cincinnati que d'y être jamais entrés, car nous y perdîmes notre santé, notre temps et notre argent. Nous nous embarquâmes à 3 heures sur le bateau à vapeur qui devait nous conduire à Wheeling. C'était le plus beau bateau à vapeur que nous ayons jamais vu. Les cabines étaient à l'étage supérieur et le pont des passagers au-dessous. En face de la cabine des dames se trouvait un grand balcon abrité d'un auvent. Il y avait des chaises et des sofas, et quoique la saison fût si peu avancée, les femmes y passaient toute la journée. Ce magnifique bâtiment s'appelait Lady Franklin. Je m'amusais souvent du penchant décidé que les Américains ont pour les titres. Les femmes des hommes éminents reçoivent toujours la qualification de Lady. Nous entendions parler de Lady Washington, Lady Jackson et bien d'autres ladies. L'éternelle répétition de leurs titres militaires est surtout ridicule lorsqu'ils sont appliqués à des aubergistes, des marchands de légumes, etc. L'exemple le plus remarquable de cet amour pour l'aristocratie eut lieu à Cincinnati. M. Trollope, en parlant d'un monsieur du voisinage, l'appela M. M. tout court. « Le général M. » reprit celui auquel il adressait la parole. « Je vous demande pardon, » reprit M. Trollope, « j'ignorais qu'il fût dans l'armée. » « Il n'est pas dans l'armée, monsieur, mais il est général de district. » Le temps était délicieux. Toute trace d'hiver avait disparu, et nous courions rapidement sur le fleuve en admirant toutes les beautés de l'Ohio. Nous ne connûmes la partie masculine des passagers qu'aux courtes et silencieuses périodes accordées pour les déjeuners, les dîners et les soupers. Les messieurs nous permettaient alors d'entrer dans leur cabine et de nous asseoir à leur table. Nous étions certainement les mieux partagés sur Lady Franklin, car nous pouvions prendre l'air sur notre magnifique balcon. Sous tous les rapports, nous étions infiniment mieux que sur le bateau à vapeur qui nous avait amené de la Nouvelle-Orléans à Memphis, où nous étions relégués dans une misérable petite chambre sous la cabine. Et l'on avait donné à entendre que notre devoir était de rester dans ce réduit jusqu'à ce que la cloche annonçât l'heure des repas. La séparation des sexes, dont j'ai souvent fait mention, n'est nulle part aussi remarquable que sur les bateaux à vapeur. Parmi nos passagers, nous avions un mari et une femme qui paraissaient souffrir de cet arrangement. La jeune femme était malade et son mari était rempli d'attention pour elle, du moins autant que les règles du bateau à vapeur le permettaient. Lorsque le maître d'hôtel ouvrait la porte des cabines pour que nous puissions parvenir jusqu'à la table, le mari était toujours là, en sentinelle, afin de pouvoir offrir son bras à sa femme, et lorsqu'il la reconduisait, il s'arrêtait toujours quelques instants sur le seuil redoutable et ne la quittait que lorsque la dernière femme l'avait passée. Une ou deux fois, nous étions toutes sur le balcon, et il vint s'asseoir un instant auprès de sa femme dans notre cabine. Mais dès qu'une de nous entrait, il se levait avec l'embarras d'un coupable et s'enfuyait aussitôt. Tandis que je parle des arrangements particuliers qui paraissent nécessaires à la délicatesse des dames américaines et à la commodité des Américains, je suis tenté de faire allusion à une anecdote que j'ai lue dans les journaux relative aux visites que le capitaine Basil Hall persista à faire à sa femme et à son enfant à bord d'un bateau à vapeur du Mississippi après avoir été instruit qu'une telle conduite était contraire au règlement du bateau. J'appris depuis de bonnes sources que ni monsieur ni Mrs. Hall n'entrèrent jamais dans la cabine des femmes pendant tout le voyage, car ils occupaient un appartement que monsieur Hall avait arrêté pour sa famille. La véracité des journaux n'est nulle part irréprochable, mais si je ne me trompe, les journaux américains font circuler plus de mensonges que tous les autres journaux du monde, et le point de mire de ces volumineux ouvrages d'imagination, c'est l'Angleterre et les Anglais. Combien un voyage semblable à celui que nous faisions eût été différent de l'autre côté de l'Atlantique, si une telle manière de voyager était possible? Des excursions aussi longues sur une belle et calme rivière seraient délicieuses, et l'on y ferait à chaque instant des parties de plaisir. Il suffirait de savoir qu'on est destiné à dîner, souper et naviguer ensemble pendant 8 ou 15 jours pour entretenir de ces rapports de société si agréables dans tout autre pays. Il est vrai que les hommes se lient facilement entre eux, au jeu, et on nous assura qu'on regardait un voyage comme si favorable à cette occupation qu'aucun bateau ne quittait la Nouvelle-Orléans sans avoir pour passagers un ou deux messieurs de cette ville dont la profession était de mêler les 52 éléments d'un paquet de cartes et de les mettre à profit. Ceci est sans doute une raison de plus pour l'exclusion des femmes. L'habitude de boire continuellement des liqueurs en est une autre, car bien que les Américains ne se fassent pas scrupule de chiquer et de cracher devant les femmes, ils préfèrent en général boire ou jouer en leur absence. Je m'amusais souvent à me représenter les scènes qui auraient lieu sur un semblable vaisseau en Europe. La grande et belle cabine des messieurs serait mise en réquisition pour un bal, tandis que celle des dames et leur délicieux balcon seraient consacrés au rafraîchissement, au lieu d'être un séjour d'ennui où les femmes, silencieuses et tristes, sont assises sur 2 rangées de sièges, buvant du café ou mangeant du beefsteak. On entendrait des chants et des instruments se mêler à la brise du soir. Mais sur l'Ohio, dès que le crépuscule du soir ne nous montrait plus les collines et les arbres du rivage qui se réfléchissaient sur ses ondes, nous nous glissions tout doucement dans notre petit hamac, écoutant le bruit continuel de la machine à vapeur, dans l'espérance que ce bruit monotone, comme une chanson de nourrice, nous endormirait jusqu'au lendemain. Nous naviguâmes 3 jours avant d'atteindre Wheeling, et nous arrivâmes à 2 heures du matin. C'est une heure fort désagréable pour quitter un bâtiment avec beaucoup de bagages, mais le bateau à vapeur ne s'arrêtait que pour nous mettre à terre. On nous procura une charrette, et peu de moments après, nous nous trouvâmes assis devant un bon feu dans un hôtel près du port. Des chambres bien chauffées furent aussitôt prêtes, et on nous apporta des rafraîchissements avec cette attention minutieuse qui distingue les états où l'esclavage est permis. En faisant cette observation, je suis bien loin de vouloir me constituer avocat de l'esclavage. Je crois fermement que le système qui le préconise est mauvais. Mais, en ce qui est relatif à mon observation, je crois que son influence est moins contraire aux bonnes manières et à la morale d'un peuple que les idées vicieuses sur l'égalité nourries par les classes inférieures des Blancs en Amérique. Ces idées d'égalité sont fausses dans les États-Unis comme partout ailleurs, puisque l'homme qui a de l'argent y exige, comme autre part, les services de l'homme qui n'en a pas. Mais ces services sont rendus avec répugnance et par nécessité, sans aucune apparence de bonne volonté d'un côté, ni d'intérêt de l'autre. Je n'ai jamais manqué de trouver une grande différence dans un État soumis à l'esclavage. On y est tout d'un coup à son aise, et l'on sent que les rapports qui existent entre vous et les personnes qui vous servent sont profitables aux deux parties et ne sont pénibles à aucune. Ce n'est que lorsque j'eus le temps d'observer avec attention que je fus convaincu de l'influence de l'esclavage sur les propriétaires. J'avoue alors que je ne pus m'empêcher de penser que les citoyens des États-Unis avaient trouvé moyen, par leur alchimie politique, d'extraire ce qui était le plus pernicieux dans la démocratie et dans l'esclavage, et avaient inoculé cet étrange mélange dans toutes les veines de la civilisation morale du pays. Wheeling est dans la Virginie et paraît être une ville florissante. C'est le point auquel la plupart des voyageurs de l'Ouest quittent l'Ohio pour prendre la diligence qui traverse la route des montagnes. On trouve à Wheeling plusieurs manufactures, entre autres une fabrique de verre que nous visitâmes. Les ouvriers nous assurèrent que les produits de cette fabrique égalaient en beauté ce qu'on pouvait faire de mieux en Europe. Mes yeux me prouvèrent le contraire. La taille des cristaux était fort belle, quoiqu'elle n'égalât pas ce que nous voyons journellement à Londres. Mais le plus grand défaut se trouve dans le cristal, qui n'est jamais d'une parfaite blancheur. J'avais aussi remarqué la même chose à la manufacture de Pittsburgh, où le verre ne vaut pas le travail dont on l'honore. Ces mêmes ouvriers nous dirent aussi qu'ils faisaient des progrès rapides dans l'art de tailler les cristaux, et je ne doute pas que cela ne soit vrai. Wheeling n'est pas une ville remarquable par la beauté de sa position, si l'on en accepte les rivages de l'Ohio. Toujours charmants partout où on les trouve, et une haute colline qui s'élève derrière la ville. Cette espèce de montagne, comme toutes celles du voisinage, contient des mines de charbon. Ces mines sont horizontales, le charbon brûle bien, mais la cendre en est sale et noire. La voiture qui se rendait au petit Washington était pleine, et nous apprîmes qu'il fallait attendre 2 jours pour en trouver une autre. On ne sait pas ce que c'est que la poste dans ce pays, et la malle voyage la nuit, ce qui ne me convenait pas. Nous restâmes donc 2 jours dans l'hôtel de Wheeling. Je ne sais pas comment ces 2 longs jours se seraient écoulés si nous n'avions pas été assez heureux pour rencontrer un bel esprit parmi les personnes logées dans l'hôtel. Nous descendîmes un matin pour déjeuner dans un salon commun. On ne connaît point à Wheeling de salon particulier. Plusieurs personnes entrèrent en même temps que nous, et nous nous trouvâmes 9 ou 10 voyageurs. La porte s'ouvrit de nouveau et il parut une femme qui avait dû être fort belle et qui, suivant toute apparence, croyait l'être encore. Elle était grande, bien faite, habillée de noir, et portant sur elle beaucoup de bijoux de mauvais goût. Un fichu ponceau relevait la sombre couleur de son vêtement, et un petit bonnet élégant sur le haut de sa tête faisait ressortir une immense quantité de cheveux noirs, soit faux, soit naturels, qui ornaient sa tête. Une provision raisonnable de rouge complétait sa toilette, qui avait un degré de prétention capable d'attirer les regards et d'exciter la curiosité. Cette femme parlait vite et n'avait nullement la retenue américaine. Je commençais à être curieuse de savoir qui et ce qu'elle était. Ce n'était pas une dame dans l'acception anglaise de ce mot, et elle n'était pas davantage ce qu'on appelle en Amérique une femme bien née. Une belle jeune fille de 17 ans entra bientôt après et l'appela maman, et la mère et la fille causèrent entre elles de leurs affaires d'une manière qui augmenta ma curiosité. Après déjeuner, voulant m'amuser à quelque chose, je m'assis près de l'inconnu et j'entrai en conversation. Je ne fus pas longtemps dans l'incertitude, et au bout d'une minute ou deux, elle me mit dans la main une carte qui m'apprenait qu'elle enseignait l'art de peindre sur velours dans toutes ses ramifications. Elle m'assura avec une grande volubilité qu'elle seule et sa fille possédaient les secrets de cette inappréciable science, mais que pour 25 $, elle les communiquerait à ceux qui le désireraient. Quelques minutes plus tard, elle m'informa qu'elle était l'auteur de plusieurs satires des plus mordantes, et puis elle m'offrit un prospectus, c'est son expression, sur un roman d'une construction tout à fait neuve. Je fus bien tenté de lui demander s'il allait par la vapeur, mais elle ne me laissa pas le temps de lui demander la moindre chose, car continuant la biographie qu'elle avait si obligeamment commencée, elle ajouta « J'avais l'habitude d'écrire contre toute la faction d'Adams. Je monterai dans l'instant chez moi et je vous rapporterai mes satires contre ce parti. Mais ma chère madame, il est effrayant de penser combien on néglige le talent dans ce pays. Ah, je sais ce que vous allez me dire, ma chère dame. Vous me direz que ce n'est point ainsi dans le vôtre. Je le sais, mais hélas, l'Atlantique. Enfin, il faut que je vous raconte comment on m'a traité. J'ai non seulement publié les satires les plus virulentes contre la faction d'Adams, mais j'écris des ballades et des odes en faveur de Jackson. Ma fille Cordelia a chanté devant 800 personnes des strophes magnifiques de ma composition et qui étaient toutes à sa louange. Et croiriez-vous, ma chère madame, qu'il n'a jamais fait la plus légère attention à mes écrits et ne m'a pas donné la moindre preuve de sa reconnaissance? Mais vous pouvez supposer que je ne supporterai pas patiemment une telle conduite. Non, ce n'est pas mon habitude. Le roman dont je vous ai parlé tout à l'heure était un roman sentimental, car entre nous, c'est mon genre. Mais après la provocation que j'ai reçue à Washington, je l'ai transformé en roman satirique. Et il s'appelle maintenant Yankee Doodle Court. De cette manière, ma chère madame, si je pouvais me décider à traverser ce terrible Atlantique, je serais passablement bien reçu dans votre pays, après avoir écrit Yankee Doodle Court. Je saisis une légère pause pour lui demander à quel parti elle allait appartenir, puisqu'elle abandonnait à la fois Adams et Jackson. « Oh, Clay, Clay, pour toujours !» s'écria-t-elle. « C'est un véritable républicain. Les 2 autres ne sont ni plus ni moins que des tyrans. » Une autre fois, lorsque j'entrais dans le salon, elle m'interpella de nouveau pour déplorer le goût dégénéré du siècle. « Le croiriez-vous ? » me dit-elle. « J'ai dans ce moment une comédie toute prête à être représentée. Je l'appelle le fou philosophe. Elle est réellement admirable, et son succès sera certain si on voulait seulement la jouer. Je vous assure que la négligence dont je suis l'objet ressemble tout à fait à une persécution. Mais je saurais leur donner la monnaie de leur pièce, et faire en même temps ma fortune. La satire est l'arme qui venge de l'oubli, et je me vante de savoir en faire usage. Faites-moi le plaisir d'examiner cela. » Alors elle me présenta un petit pamphlet dont le prix, dit-elle, était de 25 sous. Je payai bien vite ce chef-d'œuvre pour l'avoir en ma possession. La composition était à peu près ce que j'attendais, à l'exception que le langage était encore plus martyrisé par sa plume que par ses lèvres. L'épigraphe, qui était signée originale, contenait les deux lignes suivantes. « Votre prospérité est sur son déclin. Vous avez eu votre triomphe, j'aurai le mien. » C'était un échantillon des vers qui se trouvait dans l'ouvrage. Dans une conversation suivante, elle me fit connaître un autre de ses talents en m'informant qu'elle avait joué le rôle de Charlotte dans « L'amour à la mode » lorsque le général Lafayette honora de sa présence le théâtre de Cincinnati. Le catalogue de ses perfections étant terminé, j'en tirai la conclusion que ma nouvelle connaissance était une comédienne ambulante, mais elle sembla deviner mes pensées en ajoutant aussitôt « Ce fut une société particulière qui joua devant le général ».